C'est la fête au village. Je te survivrai. Bon, il faut que je m'en aille. Ouais, je dois y aller. À plus. À plus.